Sur une étiquette énergie, quelle est la couleur qui indique que le véhicule émet un minimum de CO2? Le bleu, réponse A. Le jaune, réponse B. Le vert, réponse C. Le rouge, réponse D.